Chapitre 3e. Floc et Aliette. Floc, nous l'avons vu incidemment, aimait une fille de l'île de Sein avec laquelle il était fiancé. C'est à elle qu'il allait raconter tout au long sa bonne aubaine. C'est en songeant à la joie qu'elle allait éprouver, qu'il s'égosillait comme un homme absolument heureux. Le temps, si clair la veille, s'était couvert. Des nuages gris s'entassaient à l'horizon. Toutefois, le rat était calme. La distance entre l'île de Sein et le continent est d'une lieue et demie. Floc mit une heure pour faire ce trajet. Quand il l'aborda, il était 3 heures de l'après-midi. Il tira sa barque sur le sable, l'attacha à un piquet pour plus de sûreté, et couvrant ses épaules d'un morceau de vieille toile à voile, la pluie commença à tomber, se dirigea vers la maison d'Aliette. La digue était déserte. Une quinzaine de vaches, de cette petite espèce que fournit l'île, mangeaient du goémon sur divers points du rivage. Quelques compagnies d'oiseaux de mer passaient et repassaient dans l'air en criant. Aucun navire n'apparaissait au loin, soit vers Penmarche, soit du côté de Brest, vers la pointe de Saint-Mathieu et la chaussée des Pierres Noires. Floc s'avança rayonnant. Arrivé à 100 pas d'une maison basse, presque enfouie au milieu d'un carré de terrain rempli de ronces et de fougères, il s'arrêta. Une voix de femme, une voix de jeune fille, modulait une de ces chansons étranges avec lesquelles on danse à Sein et qui tiennent lieu de la musette, du biniou, les jours de noces. Laissons-le un instant appuyer sur son penbas, écouter le chant d'Aliette, et jetons pendant ce temps un coup d'œil sur l'île de Sein. L'île de Sein ou de Seine est située en face du bec du Raz, dont elle est le prolongement, dont elle fit partie. Les rochers sur lesquels elle pose, rochers qui s'étendent à Saint-Cloud à l'ouest et qu'on nomme chaussée de Sein, l'indiquent, le prouvent. Elle n'a aujourd'hui que 3 kilomètres de long de l'est à l'ouest sur 1 kilomètre de large. Mais il n'est pas douteux que c'est à l'action lente de la mer et à un cataclysme qu'elle doit être réduite à ses proportions. Il n'est pas douteux qu'elle s'étendit sur toute la chaussée à l'époque où les armoricains élevaient ses dolmens, ses menhirs, qui ont bravé des siècles et provoquent encore de nos jours l'étonnement et l'admiration du voyageur, en d'autres termes, qu'elle eut près de 5 lieues de long sur 1 lieue de large. Les ravages de l'océan sur les côtes du Finistère sont du reste visibles pour tout observateur. On y peut préciser, période par période, les morsures que les flots ont faites au continent. Parfois, des ruines dispersées sur la plage ou recouvertes par la mer vous disent « Ici s'élevait jadis une ville considérable ». Celle de Penmarche, par exemple, parle de l'opulente cité 10, comme les pierres celtiques parlent du culte des druides. L'île de Sein, a écrit Pomponius Mela, est située dans la mer Britannique, contre la côte des Ossimiens. Ce qui la distingue, c'est l'oracle insigne d'une divinité gauloise dont les prêtresses gardent une virginité perpétuelle. Les Gaulois les appellent saines. Ils croient qu'animées d'un esprit particulier, elles peuvent, par leurs vers, soulever des tempêtes sur terre et sur mer, prendre la forme de toute espèce d'animaux, guérir les maladies les plus invétérées et prédire l'avenir. Au temps où vivait Pomponius Mela, l'île n'était pas, comme à présent, une plaine aride, sablonneuse, sans un arbre, ne produisant chaque année que 200 ou 300 boisseaux de mauvaise orge et couverte seulement de quelques misérables cabanes. C'était une oasis où l'aubépine s'enlaçait aux chênes, où l'on trouvait à côté des algues et des lichens, des touffes de bruyère, du sainfoin, de la menthe, du trèfle, du sureau, des fleurs autour desquelles bourdonnaient les abeilles et chantaient les oiseaux. Son temple était le plus riche et le plus splendide de tous ceux de la Gaule. Les temples fameux de la Grèce seuls rivalisaient avec lui. D'un bout à l'autre du littoral océanique, les navigateurs accouraient consulter ses vierges et leur apportaient des présents. Les côtes du pays des Ossimiens, sur l'espace compris entre Penmarche, le Raz et la baie de Douarnenez, étaient bordées de villes populeuses et commerçantes, dont les vaisseaux allaient trafiquer au-delà des mers, peut-être en Amérique, au Mexique, où de merveilleuses antiquités attestent une civilisation à son apogée. Aujourd'hui, tout a disparu, le temple, l'île même, les florissantes cités des côtes, et le sanctuaire druidique a fait place à une chapelle votive en l'honneur de Saint Corentin. Une source d'Olympide est emprisonnée contre cette chapelle, dans un puits profond de 16 pieds. Les scènes y burent sans doute il y a 2000 ans. Cependant, si le temple, les prêtresses, les druides, les esclaves, les jardins féeriques, ces noix, ne sont plus que souvenirs, quelques-unes des plus touchantes traditions celtiques se sont pieusement perpétuées à Sein. L'île n'a plus de prêtresse, mais elle a toujours des vestales. Depuis des siècles, ses filles sont citées comme les plus vertueuses pèleresses de Bretagne. Les gens de saint lapideraient celles de leurs enfants qui manqueraient à l'honneur. On n'y commanda plus au vent, mais on y secourt les naufragés. Qu'un ouragan se déchaîne sur le rat, que par la nuit d'hiver la plus glaciale, la cloche, le canon d'alarme retentisse au large, que le norouâ souffle en foudre, que la pluie tombe par torrents, que les vagues brisent avec fureur leurs masses écumantes contre les écueils, tous les habitants de l'île veillent le long de la digue ou du rivage. Les hommes montent dans leurs barques et, au risque d'être engloutis, cherchent à gagner le navire en détresse. Les vieillards sont là, vêtus seulement d'une chemise et de larges culottes de toile. Les femmes, en juste au corps, en jupons, en sabots, les secondent avec dévouement. Qu'une barque de sauvetage ramène un naufragé et chacun se le dispute. Ne craignez rien, il ne sera ni volé ni égorgé, comme jadis sur les côtes du rail d'Audierne, non. On le mettra dans un lit bien chaud, on le soignera, on requerra ses effets pour les lui donner lorsqu'il sera en état de repartir. La Providence, qui aime les contrastes, a placé là une de ses plus consolantes antithèses. Au rat, la cruauté, l'avidité, le crime, dans l'îlot de saint, l'humanité, la charité, l'honnêteté. Il semble que chaque fois que la tempête mugit autour de la plage dénudée de saint, ces pauvres et dignes habitants répètent ces paroles émouvantes que Virgile met dans la bouche de Didon, offrant l'hospitalité à Aînée et à ses compagnons d'exil. « Non ignare mali, miseris succarere disco. Connaissant le malheur, j'ai appris à secourir les malheureux. » Les Sénois connaissent en effet la misère, les privations, les souffrances. Ne pouvant obtenir de leur coin de terre ingrat la nourriture qui leur est indispensable, ils sont obligés de l'attendre des libéralités du gouvernement. Ils sont obligés d'aller la demander en partie à l'océan, au prix des plus dures fatigues. Souvent les hommes passent 5 jours sur leur barque au milieu des rochers des hauts fonds de la chaussée pour pêcher des congres, des raies, des turbots, des vieilles, des crustacés, dont ils se nourrissent pendant des saisons entières. En 1784, l'île comptait 344 habitants, y compris le curé, 60 maisons et une centaine de têtes de bétail, dont 50 vaches. La plus complète fraternité régnait entre ces braves gens, qui vivaient en commun, dans la bonne acception du mot, et faisaient de l'excellent communisme pratique bien avant que Babeuf, le niveleur, en fît du mauvais de l'impossible, en théorie. Depuis qu'ils vont vendre à Brest les 3/4 de leur pêche et qu'ils se frottent à la vie nouvelle, que les chemins de fer font circuler partout, leurs habitudes, sinon leurs mœurs, se sont modifiées. Mais il y a un siècle, lorsqu'ils n'avaient de relations qu'avec les caboteurs qu'ils leur achetaient accidentellement pour les porter à Bordeaux, les congres qu'ils séchaient, la propriété particulière n'existait presque pas parmi eux. L'île appartenait dans une égale proportion à ses 344 habitants. Les femmes la cultivaient tandis que les maris étaient à la mer, et comme elles ne connaissaient pas toujours la place de leur champ, elles se partageaient de bonne foi, sans querelle, avec leur tablier qui leur servait de mesure, le terrain arable. Les hommes, de leur côté, s'aidaient mutuellement et sans jamais réclamer la moindre rétribution pour construire ou réparer leur cabane ou leur barque. Ça n'était pas une commune, c'était une famille où l'on ignorait les dissensions, où la solidarité était une religion, où l'égoïsme était un crime. C'est là le secret de l'amour des Sénois pour leur île, malgré la pauvreté, l'humidité, la tristesse de celle-ci, malgré les pluies qui l'inondent, les tempêtes qui la désolent, les brouillards qui l'enveloppent, les sinistres qu'elle voit chaque hiver. En effet, quoi de plus beau, de plus attachant que la famille? La politique des grandes agglomérations lui a porté un coup funeste, mais elle reprendra son rang. La famille est l'œuf de toute société. Si l'œuf se gâte, la société meurt. On le comprendra, il faut qu'on le comprenne, principalement de notre malheureuse France, qui doit ses désastres à ses vices. Cela dit, revenons à Floc, que nous avons laissé leur étendue derrière la maison d'Aliette. Lorsque la jeune fille eut fini sa chanson, il se montra. « Par Saint-Corentin » exclama-t-il. « Tu chantes comme une fauvette ? Bonjour. Je suis aise de te voir contente, car j'ai de bonnes nouvelles à t'apprendre. » Aliette, un peu confuse d'être surprise, poussa un « ah » aigu, se leva, rajusta involontairement sa coiffe de toile, son juste au corps, sourit, montrant ainsi une double rangée de dents blanches, et tendit sa main à Floc. C'était une jolie pénérèse, une jeune fille à marier, de 19 ans, forte, droite, brunie par le hâle de la mer, aux cheveux châtains, aux yeux bleus, à la physionomie intelligente, mêlée de douceur et d'énergie. « Bonjour, Flock, » fit-elle. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui. C'est bien d'être venu. Et le père, il pêche au Forol. Et la mère, elle est à l'église. De sorte que tu es seul, oui. J'aime mieux cela. Nous serons plus libres pour causer. « Qu'est-ce que tu as donc à me dire ?» demanda la jeune fille avec un vif sentiment de curiosité. « Hein, voilà. Explique-toi. Bon, quelle impatience !» repartit Flock triomphant. « Dame, que dirais-tu de 1200 réals ?»« Tu m'entends bien ?» reprit le gars en accentuant chaque syllabe. « 1200 réals en bon argent, qui tinteraient dans mes poches le jour de notre mariage. Que signifie ?»« Réponds. Je dirais que Dieu et la Sainte Vierge nous ont bénis, si ces réals te venaient d'un légitime héritage ou d'un gain honnête. » Cette réponse embarrassa Flock et calma son abandon. « Oh » hasarda-t-il. « Peu importe la façon dont elle viendrait, l'important c'est qu'elle vienne, non ?»« Songe donc, 1200 réals, plus que je ne gagne en toute une longue année de peine et de fatigue. » Il y eut un instant de silence. L'entretien ne tournait pas comme l'avait désiré Flock. « Et ?» demanda Aliette. « Par quel miracle aurais-tu une si grosse somme le jour de notre mariage, dans 8 jours ?»« Par le miracle d'une magnifique affaire que Maître Hamon, le poissonnier de Douarnenez, m'a proposée. » Avec l'aide de Notre-Dame de Rue Mongol, et que j'ai accepté. Hamon, répétait la jeune fille impressionnée à ce nom. J'en ai souvent entendu parler en mal dans l'île. On prétend que c'est un méchant homme. Bah, des contes. Il est point du tout scrupuleux sur les moyens d'augmenter sa fortune. Quand on est scrupuleux, on ne devient jamais riche. Mais on garde un trésor qui n'a pas de prix et que rien ne remplace. L'honnêteté. L'honnêteté. Ça dépend comment on l'entend. Vous exagérez toujours à ça. Dit Flock sur un mouvement d'Aliette. « C'est vrai, » repartit cette dernière avec une pointe d'ironie. « Nous pensons, contrairement à vous autres de la Grande Terre, qu'amasser des écus pour les enfouir est une triste folie. Nous n'aimons point à nous enivrer avec du vin ou de l'eau-de-vie, et nous préférons la sobriété qui nous fait vivre longtemps en bonne santé à la débauche bestiale qui vous envoie au cimetière après de cruelles maladies. Nous repoussons les mauvaises passions qui torturent et qui tuent, parce que nous les savons aussi funestes à l'âme qu'au corps. Comme vous, nous craignons Dieu, la Vierge et les saints, mais nous croyons que des offrandes et des dévotions ne suffisent pas pour leur témoigner notre amour, et voilà pourquoi, lorsqu'à Cléven, à Plogoff, à Primelin, à Ploven ou ailleurs, vous achevez l'œuvre de la tempête sur un pauvre navire en détresse, nous nous efforçons, nous, de faire tout le contraire. Il y a encore une chose que les Sénois exagèrent, ajouta Aliette presque en plaisantant, c'est leur attachement pour leur femme. Les égards qu'ils ont pour elle, et celle-là, ne vous en déplaise, monsieur Flock, il faudra bien que vous l'exagériez comme eux. C'est fait, répliqua Flock sur le même ton et en frappant de tout cœur dans la main d'Aliette qu'il venait de prendre. Il faudra aussi que vous abandonniez ces vilaines coutumes qu'on a au Flaz et dans la baie d'Audierne pour vous plier aux mœurs plus humaines des Sénois. Bon, n'est-il pas possible d'être sauvé de l'enfer en vivant autrement que dans l'île de Saint ? Je ne prétends pas cela. Est-ce donc péché que d'avoir sur la grande terre une ferme avec de beaux bahuts de chênes remplis de vaisselle luisante, de linge blanc et de belles jupes pour la femme? Est-ce un crime que d'avoir une étable pleine de bœufs aux poils fins et rouges tachetés de noir, de vaches et de moutons, et dont on est damné parce qu'on en réserve quelques poignées d'écus? Non, certes. Parce qu'on profite des dons du bon Dieu pour se procurer l'utile, l'agréable et à l'occasion le superflu? Non. Les navires que la tempête jette à la côte ne sont-ils pas des dons du bon Dieu? Et peut-on faire un crime aux gens du Rat et d'Audierne, de ce qu'au lieu de mépriser ces dons, comme vous autres, ils les reçoivent avec reconnaissance? Quand la tempête pousse un navire sur nos écueils, Dieu ne nous dit pas d'aider à sa perte. Il nous commande de nous dévouer pour essayer de le sauver. À ce compte, les côtiers d'Audierne, qui vivent une partie de l'année du varech des bâtiments qui se brisent sur le rocher, mourraient de faim. Crois-tu donc que si nos eaux cessaient d'être tempétueuses, si les parages de Saint et du Rat devenaient aussi sûrs pour la navigation que l'Audet pour les bateaux pêcheurs, qui à l'anse de Bénodet remonte à Quimper, les gens de la baie d'Audierne n'existeraient plus. Comme nous, à Saint, ils chercheraient dans le travail qui console et fortifie des adoucissements à leur misère, et ils les trouveraient. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira, nous répète notre vieux curé. Cette bonne parole sera toujours vraie pour des chrétiens de bonne volonté. « Eh bien, j'ai cherché, j'ai trouvé le moyen de gagner 1200 réals. Ce qu'on trouve n'est pas toujours bon à ramasser. Dans nos champs, il y a des plantes bienfaisantes et des plantes qui tuent. Il faut savoir distinguer les unes des autres, la ciguë de la balsamine. 1200 réals ne saurait être du poison. C'est selon ce que celui qui te les a promises exige de toi en échange. Il n'exige qu'une œuvre méritoire, en somme, enfin, de laisser s'échouer au rase, si le vent l'y pousse, un trois-mâts norvégien, actuellement mouillé à Douarnenez, et dont le patron et l'équipage sont hérétiques. Je me doutais qu'il y avait quelque chose de ce genre dans ta magnifique affaire avec Hamon, répondit Aliette pâlissant et d'un ton ému. Où est le mal? Oh, il n'y en a point. Toutefois, tu aideras bien au besoin, le navire a s'échoué. Vous avez des secrets pour cela, Plogoff. C'est le pilote qui s'est chargé de l'échouage. Ah, oui, il laissera courir le navire sous l'anse des trépassés ou sur d'autres rochers de la côte et se sauvera la nage, s'il le peut. Et l'équipage? Demanda Aliette oppressée. S'il est quelques chrétiens parmi ses matelots, répondit Floc en baissant le ton, il sera sauvé. Je paierai bien messe à la chapelle des morts de l'église de Ploiré. Pour le reste, j'ai promis un vœu à Notre-Dame de Rumangol. Ainsi, les 1200 réals dont tu me parles seront le prix du naufrage du trois-mâts norvégien et de la perte de son équipage. Oui. Sais-tu, dit Aliette, contenant difficilement son indignation, que ce que tu m'avoues là est affreux? Quoi? Répliqua Floc avec aigreur. Est-ce donc plus affreux que ce que font depuis des centaines d'années les côtiers du district de Pont-Croix? D'ailleurs, n'est-ce pas autant pour toi que pour moi que je veux gagner ces 1200 réals? Pour moi? S'écria Aliette avec une violente émotion. Je comprends qu'habitué à voir le crime autour de toi, tu le considères sans effroi. Mais je ne comprendrai pas que tu t'y livrasses. Et si tu devais te mêler aux naufrageurs de Plogoff ou de Plovan, je ne te reverrai plus. Non? Ajouta-t-elle énergiquement sur un mouvement de Floc. Lorsque tu m'as demandé à mon père, à ma mère, lorsque tu m'as dit, Aliette, nos parents étaient amis. Nous nous connaissons depuis notre enfance. Veux-tu être ma femme? J'en serai heureux. Et que je t'ai tendu la main en te répondant oui. Je n'ai pas douté un instant que je serais fier de toi et j'aurais cru te faire injure en te soupçonnant capable de l'infamie dont tu viens de me parler froidement. Aliette! Dit Floc avec colère et en se levant. Aliette se mit à pleurer. Floc se radoucit. Allons, voyons, la main, méchante, reprit-il d'un ton rude, tandis qu'elle essuyait ses yeux avec son tablier. Elle ne répondit point. Il baissa la tête, embarrassé, honteux, le cœur gros de voir couler les larmes de sa promise. À ce moment, la pluie tomba avec intensité. Une bourrasque traversa l'île de l'ouest à l'est, et le bruit des paquets de mer se heurtant loin retentit lourdement. Aliette tressaillit. « Quel jour ou quelle nuit le navire norvégien doit-il passer devant le rat ? » dit-elle tout à coup. « Demain, ce soir peut-être, » répondit Floc en la regardant pour savoir où elle voulait en venir. « Les gens de Plogoff en sont nécessairement avisés ? Oui. »« Écoute, » poursuivit-elle avec une détermination que le gars ne lui avait jamais vue, « j'ai pour toi la plus profonde, la plus grande affection. Mais comme il me serait impossible de vivre avec un homme que je ne pourrais estimer, si tu n'abandonnes pas pour toujours les odieuses coutumes des côtiers de la baie, si le navire norvégien, dont ce misérable Hamon, dans un intérêt personnel facile à deviner, t'a proposé l'échouage, se perd par sa faute dans son voyage de Douarnenez à Concarneau, jamais, je le jure devant Dieu, devant la Sainte Vierge, fit-elle avec un accent qui alla remuer Floc jusqu'aux entrailles, et en se retournant vers deux images du Christ et de la Vierge clouées sur une des parois de la cabane, entre deux bahuts, jamais. « Je ne te parlerai jamais, je ne serai ta femme. »« Aliette !» dit Floc, d'une voix étranglée, et en regardant les deux images avec des yeux hagards. « Jamais !» répéta Aliette. « Où vas-tu » demanda Floc, la voyant prendre son chapeau de paille et se disposer à sortir malgré la pluie. « À l'église, chercher ma mère, et de là avec elle, prévenir nos Sénois que Dieu va mettre une fois encore leur dévouement, leur courage à l'épreuve, et qu'il y aura bientôt des voiles en détresse au rat. » Floc resta seul, atterré de ce qu'il venait d'entendre, et la poitrine tellement serrée qu'il put à peine respirer. Lui qui était accouru, espérant apporter à Aliette une nouvelle destinée à la remplir de joie. Floc n'était pas un mauvais gars. Naïf, tout en se croyant finaud, aimant l'argent comme tout bon breton, comme tout paysan, comme tout citadin de France, car hélas, où n'aimerait-on pas démesurément l'argent chez nous? Il n'eût cependant pas persisté pour s'en procurer dans une action qu'on lui aurait démontrée criminelle et qu'il aurait jugée telle. Faire naufrager un navire norvégien. Il ne connaissait pas la Norvège, mais a priori il était persuadé, Hamon le lui avait affirmé, que ce pays ne produisait que des hérétiques. Faire naufrager un navire norvégien au rat ou sur le littoral d'Audierne lui paraissait une action très licite. Depuis des siècles, les côtiers du district de Pont-Croix étaient naufrageurs et ramassaient des épaves de bâtiments naufragés, sans que personne cherchât à s'y opposer sérieusement. On se conduisait d'une autre manière à Saint, il est vrai. Mais cela prouvait-il que les coutumes des pêcheurs de Plogoff et de Plovan fussent coupables? Évidemment non. Et pour justifier ces coutumes, Floc eut volontiers répété cet adage des scoliastes du Moyen-Âge, s'il l'eût connu, « De gustibus et coloribus non en disputandum ». Après réflexion, il s'avoua néanmoins qu'Aliette avait raison. Que faire périr un navire et massacrer son équipage était un exploit digne du vieux Guillaume, que l'espoir des 1200 réals l'avait grisé. Que les côtiers de la Grande Terre valaient moins que les Sénois et que s'il devait, pour une poignée d'écus, voire pour un sac de louis d'or, perdre Aliette, il préférerait se précipiter dans la mer ou dans l'enfer de Plogoff. Ajoutons à cela que Floc, en Finistérien de race, était superstitieux et dévot à l'excès, et que l'attitude d'Aliette devant les deux images religieuses l'avait singulièrement frappé. « Non, dit-il en prenant son pen-bas et en raffermissant son chapeau sur sa tête, je ne commettrai pas cette méchante action. Un mot est informant, et si je n'arrive pas à temps pour sauver le Norvégien, si à cause de lui je perds Aliette, oh, par Saint-Corentin, nous compterons tous deux. » Et sortant brusquement, il gagna tête baissée l'endroit de la plage où il avait laissé sa barque à l'abri. Le vent soufflait en tempête. Il ne s'en inquiéta point, prépara son mât mobile, sa voile, ses avirons, et l'air sombre, résolu, mit le cap sur le rat, après avoir jeté un dernier regard vers la maison de la Pénérèse.